Hein? Malgré la tristesse, l'espoir dans nos paragraphes. Ouah, les autres ils parlent, ils connaissent quoi par l'arrache. Ne t'étonne pas, c'est les autres parlent dans le dos et pas en face. La médisance, j'avais 10 ans, j'entends, c'est v'là la tâche. Les cousins m'écoutent, là, je te lâche un bout de ma life. Goûter les coups de savate, l'amour et quelques coups de savate. Pas là, vite luxe, j'suis loin de vivre dans l'excellence. Et dans la vie, j'plus d'une habitude, un mec qui sait de se lancer. Y'a pas moyen. Je pars de rien, je vise la classe moyenne. Avoir la classe, gars, crois pas que c'est le 4-4 Cayenne. Plein la vue, t'as vu les paillettes, une gifle dans ta belle poire. Mauvais élève, ils te l'ont fait peut-être croire, sinon reste l'espoir. Parce que qui s'aimerait, récoltera sa part. Y'en a qui s'aiment, y'en a qui s'aiment, des hommes d'or à sa part. On a des ailes comme portées par la foi. Chez nous, le faible deviendra fort, car la défaite renforcera la gloire. L'espoir. On joue pas les phénomènes. Un peu de rap et des messages dans un mixage qu'on fait nous-mêmes. De l'espérance, de l'espoir, du positif. Un peu de lumière d'un côté sombre. On voit du son, des mots qui brillent. Autodidacte, nous on joue pas les phénomènes. Un peu de rap et des messages dans un mixage qu'on fait nous-mêmes. De l'espérance, de l'espoir, du positif. Un peu de lumière d'un côté sombre. On voit du son, des mots qui brillent. Je signe en bas de la page, quoi. C'est quoi cette mascarade? On voit une masse, un mic, un casque et puis je zappe la rage. Passe-moi une page, une plume pour que ma bulle s'envole. Je vois de la bulle, c'est quoi le but? Je vois que la pub rembote. Le rap c'est cool, ça m'a permis de faire de belles rencontres. Y'a pas que des fous, des vermines, des mecs tellement cons. Non, si je gagne des sous, un tas d'ennemis se mettront en plein mon compte. Mais ça mis pour moi, j'aurais certainement compte. Pour ceux qui partent au casse-pipe et qui partagent l'assiette, tu pourrais croire que c'est has-been comme le Walkman cassette. Mais négatif, les gars kiffent, on rappe à la passerelle. Moi je fais ma zik et négatif, faut que je passe à la SACEM. Considère pas comme un rappeur, mais comme un mec qui rappe. Non, pas de leçon, une carte au son, un logiciel pirate. C'est pour mes potes, au top autodidacte. On pose dans l'auditif, big up à toi, chaque poteau qui capte. Autodidacte, nous on joue pas les phénomènes. Un peu de rap et des messages dans un mixage qu'on fait nous-mêmes. De l'espérance, de l'espoir, du positif. Un peu de lumière d'un côté sombre, on voit du son, des mots qui brillent. Autodidacte, nous on joue pas les phénomènes. Un peu de rap et des messages dans un mixage qu'on fait nous-mêmes. De l'espérance, de l'espoir, du positif. Un peu de lumière dans le côté sombre, on voit du son, des mots qui brillent.